J'entends dire qu'on est jeune et con. Je pense que notre avenir est simplement différent. Ce n'est parce qu'on change au fond. Faut pas avoir. Country.